إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc chers frères en Allah عز وجل, on va commencer aujourd'hui un nouveau livre qui est l'explicatif des annulatifs de l'islam de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Explication faite par Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, qui est un cheikh contemporain, qui est toujours vivant, qui est à la Mecque, et qui est un cheikh parmi nos chouchs salafis. Et donc, l'explication, c'est l'édition de Dar Salaf sur laquelle je vais me baser, inshallah. Et donc, c'est écrit par un docteur, parce qu'il a un doctorat, Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Et il dit, il commence ce livre en disant « فَهَذَا شَرْحُ رِسَالَةِ نَوَاقِدِ الْإِسْلَامِ لِلْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللَّهِ التَّمِيمِ الْمُتَوَفَّى السنة السادسة بعد 200,000 هجري. ألقيت في درسي بمسجد الشيخ عبد العزيز بن باز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بالعزيزية بمكة المكرمة، قام بتفريغه بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، وقمت بالنظر فيه ومراجعته وإصلاح عبارته وتوثيق نقوله، وأسأل الله أو والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. Donc Cheikh Mohammed bin Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il explique, il commence son cours en disant, ou son livre en disant, voici l'explication de l'épître, les annulatifs de l'islam. Alors je l'ai appelé de cette telle manière parce que j'ai remarqué que sur internet, en général en français, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est annulatif. Et en sachant que c'est une erreur en français, parce qu'annulatif c'est un adjectif, c'est pas un nom. Mais c'est pour la rime et parce que c'est la manière dont les gens le connaissent, j'ai décidé de l'appeler annulatif, même s'il faudrait dire les annulations de l'islam. Donc voici l'explication de l'épître, les annulatifs de l'islam, de l'imam revivificateur Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, décédé en l'an 1206 de l'Hégire, que j'ai donné lors de mon cours à la mosquée du Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz à Al-Aziziyah, à la noble ville de la Mecque, et que certains de nos frères ont retranscrite, qu'Allah les récompense en bien. Et puis le Cheikh, il continue en disant, je l'ai donc ensuite lu et je l'ai revu, et j'en ai corrigé les expressions et en ai vérifié les citations. Et je demande à Allah qu'il facilite à tous ce qu'il aime et ce dont il est satisfait. Puis Cheikh, ça fait partie de son bon enseignement, il va faire une série d'introductions, ou de préambules si vous voulez, et après une série d'introductions. Et dans le madkhal, on appelle ça un madkhal, Cheikh Falah il avait expliqué la différence entre le bab, le madkhal, etc. Hein? Le madkhal ici, c'est nawaqid al-islami ta'rifan wa ahammiyatan wa dawabita. C'est-à-dire que avant de commencer l'explication proprement dit des 10 annulatifs, on va voir pourquoi on n'en cite que 10 ici, parce qu'il y en a plus évidemment, hein? Mais Cheikh Mohammed bin Omar rahimahullah, il en a cité 10. Et Cheikh Bazmoul aujourd'hui dans le cours, inchallah, on va voir qu'il va expliquer pourquoi Cheikh Mohammed bin Omar, il en a cité que 10. Mais avant de consacrer à s'attacher à l'étude de ces annulatifs à proprement dire, on va s'attacher à faire une introduction. D'abord, avant l'introduction, c'est un préambule. Et c'est les annulatifs de l'islam, définition, importance et règles. Et Cheikh il dit, hafidahullah ta'ala, Risalatu nawaqid al-islami lil-imam al-mujaddidi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mawdu'uha dhikru al-umuri allati yantaqidu biha al-islam, mimman yadda'ih, fahiyya tata'allaku bimas'alat ta'yin al-umur allati tukhrijul muslima min al-islam. وذلك أن نواقد جمع ناقض ومادة هذه الكلمة نون قاف وضاد لها أصل واحد صحيح يدل على نكث شيء ومنه نقد العهد وربما دل على معنى من المعاني على جنس من الصوت فيقال لصوت المفاصل نقيضها وهو قريب من الأول لأنها كأنها تنتقض فيسمع لها صوت عند ذلك. انظر مع معجم مقاييس اللغة مادة نون قاف ضاد. Donc évidemment, ça fait partie encore une fois de son bon enseignement, on parle de nawaqid al-islam. Il convient de définir c'est quoi un naqid, le pluriel nawaqid, et d'où ça vient dans la linguistique et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Déjà, une petite faïda que je vous donne, c'est que Cheikh Abdelrazak al-Badr, dans son explication, il fait la différence entre un nawaqid et un nawaqis. Et comme on va voir ça plus en détail dans la linguistique, un naqid, c'est ce qui annule. Tandis qu'un nawaqis, c'est ce qui fait diminuer. Donc, quand on parle de nawaqid l'islam ou nawaqid l'iman, on parle de ce qui annule la foi ou ce qui annule l'islam. Et on va voir que c'est la même chose. Parce que l'un, quand il est cité tout seul, il comprend le sens de l'autre. Et on va voir la règle que Cheikh Mohsen Al-Abbad, il explique dans, il rapporte dans Shar Hadith Jibril. Et Shar Al-Utaymin et d'autres savants, il dit Ftaraqa, Ijtama'a, ou Ijtama'a, Ftaraqa. Il y a des noms dans l'islam, quand ils sont cités ensemble, ils ont un sens différent. Mais quand ils sont cités chacun à part, ils englobent l'un le sens de l'autre. Comme l'islam, quand il est cité tout seul, eh bien c'est quoi? C'est le même sens que? Tandis que quand ils sont cités ensemble, l'islam ou l'iman, ben, l'islam il prend en ce moment les actions quoi? Apparentes. Et l'iman, les actions intérieures. D'accord? À la koulihal, c'est juste un exemple. Mais donc, un nawaqis, c'est ce qui diminue la foi. Tandis qu'un nawaqid, c'est ce qui annule complètement la foi. Et Cheikh, il va expliquer ça en détail, Inch'Allah. Et il dit, le sujet de l'épître de Cheikh al-Islam, l'imam revivificateur, Mohamed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, qu'on lui fasse miséricorde, alayka salam, est l'énumération des choses par lesquelles l'islam s'annule. Alors déjà ici, on répond déjà à ce qu'on va répondre un peu plus tard dans le cours ici, à la question pourquoi c'est important de s'attacher à étudier ce genre de livre. Bien sûr, elle dit, est l'énumération des choses par lesquelles l'islam s'annule pour quelqu'un qui revendique l'islam. Et donc, il est lié à un sujet qui est de spécifier les choses qui font sortir, le musulman de l'islam. Et cela car le mot « nawaqid » avec un « dad » annulatif, que l'on va traduire par annulatif comme on l'a déjà dit, est le pluriel du mot naqid. Et ce mot est formé des lettres nun, qaf et dad. Naqada, naqid, jam' nawaqid. C'est-à-dire quoi? Nun, qaf et dad. Qui a une seule origine authentique qui indique quoi? Qui indique la rupture, l'annulation d'une chose. Et c'est pour cela qu'il est dit naqdul ahdi. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Naqd al-ahd, c'est la rupture d'un engagement. D'accord? Naqd al-ahd. Il se peut qu'il indique aussi dans un sens parmi les sens un genre de son. On dit donc au sujet du son fait par les articulations, ce qu'on appelle en arabe sawt al-mafasil, naqiduha. C'est-à-dire quel est le rapport entre le premier sens et le second? Et bien, le cheikh il dit, et ce sens est proche du premier, car c'est comme si elles, les articulations, se rompaient et qu'on entendait donc un son dû à cela. Donc le son sawt al-mafasil, on appelle ça naqiduha. Voyez encore une fois, nun qaf dad, naqiduha. Puis il va citer un hadith. On fait le hadith an Aishata. Encore une fois, pourquoi? Que vous situez bien ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Si vous ne savez pas répondre, c'est que vous n'avez pas suivi le cours. On est en train de définir c'est quoi? Naqada. C'est quoi naqid? C'est quoi nawaqid? Et c'est un hadith dans le cadre de cette explication du mot quoi? Nawaqid, naqada. D'accord? Dans le hadith, An Aishata, qalat, radiallahu anhu ardaha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, loula hadathatu ahdi qawmiki bil kufri, lanaqadtu al-ka'ba. Vous avez entendu le mot ici? Lanaqadtu al-ka'bata. ثم جعلتها على أس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا يوم بنتها استقصرت dans certaines rivières peut-être que vous avez déjà entendu le hadith c'est اقتصرت ولا جعلت لها خلفا ولا جعلتها خلفا جعلت لها خلفا. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Dans le hadith d'après Aïcha, donc c'est qui rapporte le hadith? C'est Aïcha radiallahu anha qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Si ce n'était que ton peuple est converti depuis peu, j'aurais démoli Naqadtu la Kaaba. Donc c'est quoi ici le mot Naqadtu? C'est le fait de, on traduit par quoi? Détruire, démolir, d'accord? Naqadtu, hein? La Kaaba, puis je l'aurais reconstruit sur les fondations d'Ibrahim, d'Abraham. Car lorsque Quraysh l'a construite, ils se sont limités. Alors il a dit, mais d'où il a sorti le mot limité? Ici le hadith, il dit staqsarat. Hein? Mais parce qu'il y a d'autres riwayats qui montrent c'est quoi staqsarat, c'est iqtasarat. C'est-à-dire que Quraysh, en fait, Quraysh, ils se sont limités à cette mesure et n'ont pas complété la construction d'Abraham en raison du manque de fonds pour pouvoir terminer. Parce qu'ils ont mis une condition, comme Cheikh l'Éthiopie l'explique dans Sahih Muslim, hein, que l'argent soit l'argent tayyib pour reconstruire la Mecque, etc. D'accord ? Ils se sont limités à cette mesure et n'ont pas complété la construction d'Abraham en raison du manque de fonds pour pouvoir terminer la construction, comme c'est l'est compris des versions du hadith suivantes, car elles s'expliquent les unes les autres. C'est pour les frères et les sœurs qui veulent une référence. Voici voir l'explication de Cheikh Mohammed Al-Amin ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi de Sahih Muslim, volume 14, page 413. Pourquoi ? Parce que c'est un hadith qui est quoi dans, qui est Muttafaq Ali, qui est dans le Bukhari et Muslim. Je vous donne une autre référence pour les frères qui veulent avoir et les sœurs qui veulent avoir plus de détails sur ce qui s'est passé et pourquoi Quraysh a dû reconstruire, hein, la Kaaba, etc. Et qui l'a construit avant Quraysh et qui l'a construit après Quraysh, etc. Mais on va le citer de manière très résumée ici. Mais pour les frères et les sœurs, et c'est comme ça, je dis toujours dans les cours qu'un talib ilm, il se construit, mais ça en a le revoir, hein, dans les sources à la lumière de ce qu'on a dit. C'est comme ça qu'on augmente le ma'loumat, c'est comme ça qu'on augmente les informations, notre ilm, notre science. C'est en allant chercher, en lisant et en lisant, et c'est comme ça qu'on apprend. Je vous donne une autre référence, c'est l'explication de Sunan Nasa'i de Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam al-Ethiopie, volume 25, page 154. Donc c'est pour ça que j'ai traduit ça par « ils se sont limités ». Car Quraysh l'a construite, ils se sont limités, et je lui aurais fait une porte à l'arrière. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « la ja'altu laha khalfan ». Et Cheikh al-Ethiopie, il explique que « khalfan », ça veut dire en fait… D'ailleurs, cher Boazmoul, quand les frères qui ont le livre, pour les frères à qui j'ai envoyé un texte pour le cours aujourd'hui, ils ont reçu un lien où ils pouvaient télécharger le cours en PDF. Vous pouvez l'imprimer en attendant si vous n'avez pas le livre. Et si vous voulez vraiment avoir le livre, dites-le moi. Je peux éventuellement demander à quelqu'un avec qui je travaille dans les livres avant de nous l'envoyer d'Égypte, Inch'Allah. D'accord ? Si vous regardez la page suivante, pour les frères qui ont la même édition que moi, vous voyez qu'il dit « Khalfan bab min khalfiha », c'est-à-dire une porte à l'arrière. On va voir ça dans un instant, Inch'Allah. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre de la science, Kitab al-Ilm, chapitre. Écoutez, rien que le titre du chapitre, comme il est révélateur. Et vous connaissez certainement la parole des ulama qui disent que la science d'Al-Bukhari, sa compréhension, elle se retrouve dans quoi? Dans le tarajum, dans les titres de ces chapitres. Fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. C'est quoi? C'est que chapitre de celui qui délaisse un choix, de peur que certaines personnes ne puissent pas comprendre cela et tombent dans ce qui est plus grave que cela. Hein? Numéro 126. Et Muslim, dans son authentique aussi, donc c'est un hadith muttafaq alayh, parmi les hadiths les plus authentiques, c'est livre du pèlerinage, Kitab al-Hajj, chapitre de la démolition de la Kaaba et sa reconstruction, et c'est numéro 1333. Alors, juste pour qu'on ait un petit peu plus d'informations par rapport à la reconstruction de la Kaaba, etc. Mais Cheikh Mohammed Al-Amin ibn Abdillah Al-Urmi Al-Alawi, il dit dans son explication de l'authentique de Muslim, volume 14, page 413, qu'An-Nawawi, rahimahullah, qui maintenant? An-Nawawi. Nawawi, qu'est-ce qu'il a expliqué comme livre? Notamment, yarhamukallah. Ben, Sahih Muslim, c'est pour ça qu'il le cite ici. A dit, les savants ont dit qu'elle a été construite 5 fois, la Kaaba. 5 fois elle a été construite. La première par les anges. Puis par Ibrahim alayhi salam, hein? Puis par, hein? Je cite ce qu'il a dit le cheikh ici, hein? Puis par Quraysh. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez avoir plus de détails, revenez, hein? Parce que c'est un court résumé, c'est pas le sujet du cours, hein? Puis par Quraysh. Durant quoi? La période pré-islamique. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a assisté à cette reconstruction de qui? De Quraysh. Les ulama, ils ont une divergence ici. Ils disent qu'il avait, certains disent qu'il avait 35 ans et certains disent qu'il avait 25 ans. D'accord? Alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire 35 ans, c'est combien d'années avant quoi? 50. 5 ans avant? Avant le Ba'tha. Puis par qui? Par Az-Zubayr. On va le voir dans un hadith qui arrive, Inch'Allah, qu'il a reconstruit comme Ibrahim, avec une porte pour y entrer et une pour en sortir lorsqu'il fut le calife. Puis Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, et il est resté tel quel jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, Cheikh, il explique des mots par rapport à ce hadith. On a cité quoi? On a dit le mot. Pourquoi on a cité ce hadith ici? Pour le mot naqada, d'accord? Il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, la naqad tout, le Kaaba. Or, ici, on fait quoi? Le charh de nawaqid al-islam. Et Cheikh, il dit la naqad tout le Kaaba, c'est-à-dire je l'aurais démoli. Khalfan, c'est-à-dire une porte à l'arrière. Et la formulation ici, elle est d'Al-Bukhari, rahimahullah, d'après l'Aswad qu'il a dit, il rapporte une autre maintenant. Ibn Zubayr, dans le hadith, عن ابن عباس on a pas lu la riwaya de en fait elle est en hachia ici là en bas la formulation de Al-Bukhari d'après l'Aswad qu'il a dit. ولفظ البخاري عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة encore une fois le mot quoi لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. Et la formulation d'Al-Bukhari, d'après l'Aswad qu'il a dit, et Ibn Zubayr m'a dit, Aïcha te confiait beaucoup de choses. Que t'a-t-elle rapporté concernant la Kaaba? Je dis, elle me dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Oh Aïcha, si ton peuple n'était pas converti depuis peu, j'aurais démoli la Kaaba et je lui aurais fait deux portes. Une par laquelle entrent les gens et une autre par laquelle ils en sortent. » Et c'est ce que fit Ibn Zubayr. La question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé ça? Eh bien, c'est pourquoi? Parce que Quraysh, ils avaient, pour eux, la Kaaba, c'était quelque chose de, hein, quelque chose de laquelle ils vénéraient, qui avait une grande importance, etc. Et que comme, hein, ils étaient encore nouveaux en islam, ils avaient peur que ça, hein, que ça pose un problème. Et donc, il a délaissé cela de peur de tomber, hein. Naam, d'accord? Ça, c'est que ce soit bien compris. Ce n'est pas le sujet du cours, mais c'est important de comprendre pourquoi. D'où le titre du chapitre qu'on a cité. D'accord? Et dans le hadith, maintenant, il va citer un autre hadith, encore une fois, pour le même mot, naqid ou naqada. Dans le hadith, Ali ibn Abbas, radiallahu anhuma, bainama Jibril, alayhi salam, qa'idun inda al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, sami'a naqidan min fawqihi. Encore une fois, quel mot? Naqidan. Ici, pour quel sens? Sami'a naqidan min fawqihi. On a dit qu'un des sens, c'était quoi? Hein? Le son, naam. Sami'a naqidan min fawqihi, farafa'a ra'sah. Faqala hada babun min as-sama', futiha al-yawma wa lam yuftah qattu. Alors, on ne va pas encore rentrer dans le détail. Cheikh l'Éthiopie l'a rapporté dans un vers de poésie d'un de ses chouyours, tous les mots, les manières de dire qat, qut, qat, qattin, etc. Hein? Il y en a beaucoup. Qattu illa al-yawma. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أتيتهما ولم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Ici, dans le hadith d'après Ibn Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, كان les agrés tous deux qu'il a dit, l'ange Gabriel, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam, était assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entendit un son, naqidan, vous voyez ici pourquoi j'ai traduit naqid par son, naqidan. Alors ici, je vous pose la question déjà, juste pour susciter l'intérêt. Quand on dit lorsqu'il entendit un son, c'est qui a entendu le son? Bonne question, hein? T'as-tu dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Vas-y, quelqu'un dit autre chose? Hein? Les ulama, ils ont expliqué de plusieurs manières. Cheikh l'Éthiopie, comme on va le voir dans un instant, il a dit que la parole la plus forte, c'est que toutes les paroles qui sont « il » dans ce hadith, elles reviennent toutes à Jibril, alayhi salam. D'accord? Lorsqu'il entendit un son aqidan venant au-dessus de lui, il dit, d'au-dessus de lui, il dit, c'est-à-dire qui il dit ? Jibril, hein. C'est une porte, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que j'étais voir. Hein. C'est une porte du ciel qui s'est ouverte aujourd'hui et qui ne s'est jamais ouverte avant aujourd'hui. Et en descendit un ange et il dit, cet ange est descendu vers la terre et n'est jamais descendu avant aujourd'hui. Puis il salua et il dit, réjouis-toi en raison abshir. Comme Shir l'Ethiopie dit, min al-ibshar, fi'lu amrin min al-ibshar. Réjouis-toi, c'est un verbe impératif de l'ibshar, c'est-à-dire réjouis-toi en raison des deux lumières qui t'ont été données et n'ont été données à aucun prophète avant toi. C'est quoi les deux lumières ? Fatiha al-Kitab, al-Fatiha, l'ouverture du livre, et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Il y a quelques points que je vais faire par rapport à ce hadith, mais je vais vous le traduire d'abord en une fois, pour que je ne pas le fil, et puis on revient petit à petit, Inch'Allah. Et les derniers versets de Surat al-Baqarah, j'ai une question que je pourrais vous poser, c'est quoi les derniers versets de Surat al-Baqarah ? C'est un verset ? C'est quoi ? C'est deux ? C'est trois ? C'est quoi ? On va répondre à ça, Inch'Allah. Tu n'en réciteras pas une lettre sans que cela te soit donné. Rien que ce te ici, on va faire aussi un point par rapport à ça. Te soit donné, Inch'Allah. D'accord ? Donc je répète, tu n'en réciteras pas une lettre sans que cela te soit donné. Sans que cela ne te soit donné. Et le hadith, il est rapporté par Muslim dans son authentique livre de la prière des voyageurs et son raccourcissement. Chapitre de la préséance de Surat al-Fatiha et d'Al-Baqarah. Et c'est le hadith numéro 806. Alors maintenant, on revient au hadith petit à petit. On a dit que c'est qui ? C'est l'ange Gabriel qui est assis auprès de qui ? Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, j'ai le cours, je l'ai déjà tapé sur l'ordinateur pour le télécharger, Inch'Allah, ça va ? J'aurais dû dire ça à la fin du cours pour que vous continuiez à noter. Hein ? Lorsqu'il entendit, c'est-à-dire il, le pronom personnel revient dans le hadith à Jibril. Comme l'a dit Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie dans son explication de l'authentique de Muslim, volume 16, page 366. Il entendit un son, un aqid. Hein. Je sais que c'est technique ce qu'on est en train de faire ici, mais l'ilm c'est comme ça, il faut s'habituer petit à petit. Hein. Mais ce qui est important, c'est qu'on sache d'où le mot naqid y vient. D'accord ? Si on retient ça à la fin, c'est déjà beaucoup. Venant d'au-dessus de lui, et il dit c'est une porte du ciel. Quel ciel ? Eh bien, du ciel terrestre, comme l'a dit Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, dans le même explication de Sahih Muslim, volume 16, page 367, qui s'est ouverte aujourd'hui et qui ne s'est jamais ouverte avant aujourd'hui. Et en descendit un ange et il dit, cet ange est descendu vers la terre et il n'est jamais descendu avant aujourd'hui. Puis il salua et dit, réjouis-toi en raison des deux lumières qui t'ont été données et qui n'ont été données à aucun prophète avant toi. C'est quoi les deux lumières ? On l'a déjà dit. C'est Sourate al-Fatiha, l'ouverture du livre, Fatiha al-Kitab, et les derniers versets de Sourate al-Baqarah. Maintenant, il convient de définir c'est quoi ces derniers versets de Sourate al-Baqarah. Eh bien, Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, il dit dans son explication de Sahih Muslim, encore une fois, le même volume, volume 16, page 368, que la vue le plus fort est que ce sont les trois derniers versets de la Sourate, de Sourate al-Baqarah. Qui commence par quoi ? Aman al-Rasoul. Non, ça c'est le dernier. C'est celui avant le dernier. Ahsant, c'est celui-là qu'il a dit. Non. Tu n'en réciteras pas une lettre sans que cela ne te soit donné. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça c'est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam ou c'est pour tout le monde ? Est-ce qu'il a dit quoi ? Sans que cela ne te soit donné. Ben, Cheikh l'Éthiopie, il répond à cette question, il dit, même volume, volume 16, page 370, que cela n'est pas spécifique au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais que cette préséance est pour toute personne sincère dans son adoration et suivant sa guidance, alayhi salatu wa sallam. D'accord ? Donc le fadl, il a été annoncé au prophète, alayhi salatu wa sallam, mais il est général, hein, pour ceux qui reprennent ces conditions-là, qui sont sincères dans leur adoration et qui sont sur sa guidance, alayhi salatu wa sallam, conforme à sa guidance, alayhi salatu wa sallam. Alors maintenant, tu n'en réciteras pas une lettre sans que cela ne te soit donné. Comment on va comprendre ça ? Hein ? Pourquoi je fais aussi des points techniques comme ça par rapport à la traduction ? C'est parce qu'on est obligé pour traduire correctement, déjà de un. Et puis de deux, on ne va pas donner un hadith et puis le laisser comme ça aux gens sans l'expliquer. Il n'y a pas d'intérêt. Même si on ne rentre pas en détail, il faut quand même un minimum, hein, pour qu'on sache déjà le traduire correctement comme je l'ai dit. Et puis on connaisse le sens correct de ce hadith. Eh bien, Cheikh Mohamed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, il explique, ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, dans le même volume, page 369, c'est-à-dire que te sera donné selon ce qui est approprié comme aide et guidance vers le droit chemin. D'où on prend ça, l'aide et la guidance vers le droit chemin? Dans les deux lumières, hein, je vous ai trop là déjà. C'est quoi les deux lumières? Fatiha et les trois versets, de trois derniers versets sur le Baqara, comme il a dit sur l'Éthiopie. Hein? Et ouais. D'où il est pris cette aide et cette guidance vers le droit chemin? Del Fatiha. Del Fatiha. Et comme pardon, et de ne pas être tenu responsable en cas d'oubli et d'erreur, là c'est évident, hein, et de ne pas être chargé d'un fardeau lourd, ni ce dont tu n'es pas capable, et le pardon, et la miséricorde, et la victoire contre les mécréants, dans les derniers versets de Surat al-Baqarah. Ça s'est compris le hadith maintenant. Alors dans le hadith, on a dit quoi? Ici, qui sait me sortir le témoin argumentatif, pourquoi on a cité par rapport au mot Al-Amadda Nun Qafidad, Sami'tu Naqi Dan, j'ai entendu un son. Puis Cheikh, il dit, وَنْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ, hein, ce que nous, on peut traduire par les philosophes, النقيضان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما فهما لا تجتمعان ولا ترتفعان كالعدم والوجود والضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. Alors, vous allez voir que ce point-là, qui est important, il est très intéressant pour ce qui va suivre, inshallah. On traduit déjà ça. النقيضان, c'est les deux opposés. Nous, on va traduire ça par les deux opposés. Mais est-ce qu'il y a une différence maintenant en naqidan et iddidan? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Vous connaissez le mot did? Hein, did? Hein? Il est contre moi. Hein? Did, c'est le contraire. Hein? Naqid, opposé. On va traduire ça comme ça. Eh bien, regardez, écoutez ce qu'il dit le cheikh ici. Les deux opposés, en naqidan, hein, ce sont deux caractéristiques existantes qui alternent au même endroit et qu'il est impossible de rassembler. D'accord? Elles ne se rassemblent donc jamais toutes deux, elles ne disparaissent pas toutes deux. Comme par exemple quoi? Le néant et l'existence. L'adam et le wujud, le néant et l'existence. C'est deux opposés, on est d'accord ou pas? Est-ce que c'est possible d'avoir le néant et l'existence en un? Hein? Est-ce que c'est possible d'avoir les deux qui partent? Hein? Et l'existence? On a dit le néant et l'existence, il a donné ça comme exemple. Tandis que ad-diddan, les deux contraires, ils ne se rassemblent pas, mais peuvent tous deux disparaître comme le noir et le blanc. Suivez là ou pas? C'est quoi la différence donc? Il ne faut pas avoir peur de répondre. Hein? Vas-y, naqidan, c'est quoi? Non, hein? Vas-y. Ouais, vas-y, donne-moi un exemple. Le néant et... Ahsan, c'est juste, hein? Ouais, diddan, diddan. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des dictionnaires de l'adad, vous savez ça? Moi, j'en ai un à la maison, c'est un dictionnaire des contraires en arabe. Attends, que je te suive un peu. Hein. Les deux premiers, là, les naqidan, ils ne se rassemblent pas. Non. Les deux autres d'Eddan, ils ne se rassemblent pas. Bah, c'est quoi la différence alors? Ah, qui, lequel? Le deuxième, ils peuvent? Ils peuvent être ensemble. Au début, c'était juste ce que tu disais. Vas-y, continue. Vas-y, ça c'est bien de partir d'un exemple, vas-y. Naqidan, c'est l'autre. Ouais, ouais. Hein, hein, vas-y. T'as un autre exemple, vas-y. Utilise les exemples qui ont été donnés, c'est plus facile pour toi. Comme le néant, l'existence. Donc ta raison, c'est qu'ils se rassemblent, mais ils ne peuvent pas disparaître tous deux. On a, Ahsant. Maintenant, tandis que l'autre, Diddan, ne pas se rassembler non plus. Hein? Mais ils peuvent disparaître tous les deux. Ça va, c'est clair ça ou pas? Alors pourquoi il a rapporté ça le shir? Écoutez ce qu'il va dire le shir ici, Inch'Allah. Fal islam ou le kufru, c'est quoi alors? Naqidan ou diddan? Pourquoi? Voilà, vous avez compris pourquoi le point il a rapporté ici, c'est hein, très intéressant ce qu'il a apporté le cheikh ici. C'est quoi? C'est que il a dit فالإسلام والكفر نقيضان لا يخلو المحل من أحدهما. C'est ce qu'il a dit le frère. فإذا ارتفع أحدهما خلفه الآخر وهذا مع القدرة وعدم المانع ونواقض الإسلام هي الأمور التي تهدم الإسلام وتخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر أعوذ بالله من ذلك. Donc Cheikh il dit, donc l'islam et la mécréance sont des naqidan, des opposés. L'un d'eux se doit d'être chez quelqu'un. Si l'un d'eux disparaît, l'autre lui succède. Et ceci avec la capacité, et ce qu'on appelle adam al-mani', c'est quoi? C'est l'absence d'empêchement. Maintenant, il parle des nawaqid et il dit, là, on va revenir plus à petit, plus vers le sujet du cours. On était dans le sujet du cours, mais on va sortir de la linguistique en tout cas. Et il dit, et les nawaqid de l'islam, les annulatifs de l'islam, sont les choses qui démolissent l'islam de quelqu'un et le fait sortir de l'islam vers la mécréance. Encore une fois, vous voyez le danger de ces nawaqid et l'importance de les étudier, de savoir pour les, hein, s'en tenir à l'écart, hein, et ne pas tomber dans ces nawaqid-là. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais ici, c'est les 10 plus importants, ou les 10 auxquels reviennent les autres, comme ils ont dit certains machaïrs, etc., qu'on va s'attacher à étudier, Inch'Allah. Ou les 10 aussi, comme l'a dit Cheikh Mohammed al-Wahhab lui-même dans le livre, il a dit c'est les 10 hein, dans lesquels les gens tombent le plus. Al-Nawaqid, il dit Jam'u Naqid. Donc, d'accord, Nawaqid, c'est le pluriel de Naqid. Nawaqid, c'est le pluriel de Naqid. Wal-Naqid, ismu fa'il, wa huwa l'amr alladhi yubtilu shay, qala ta'ala. Vous voyez que le Coran, ça vous aide aussi. Hein, et regardez, il va citer un verset où le mot Naqadat, il est utilisé dans Surat al-Nahl. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Encore une fois, le mot quoi ici? نَقَضَتْ. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلُيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَالْفُقَهَا يَقُولُونَ نَوَاقِدُ الْوُضُوءِ أي مُبْطِلَاتُ الْوُضُوءِ. Ça, c'est un mot qu'on entend déjà beaucoup aussi, نَوَاقِدُ الْوُضُوءِ. فَنَوَاقِدُ الْإِسْلَامِ مُبْطِلَاتُ الْإِسْلَامِ. وَالْإِسْلَامُ هُوَ الِاسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْخُلُوصُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. وَلَفْظُ الْإِسْلَامِ عَلَى انْفِرَادِهِ يَشْمَلُ الْإِيمَانَ. فَهَذِهِ نَوَاقِدُ الْإِسْلَامِ. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul, il dit, et c'est pour ça, c'est parce que le choix il était un peu difficile, parce qu'il y a une autre édition, il y a beaucoup de chourahs qui ont été faits dans l'islam, notamment Cheikh Najmi, notamment Cheikh Al-Fawzan. Hein, la Cheikh Al-Fawzan, elle est assez large en termes de volume aussi. Hein, celle de Cheikh Najmi, elle est un peu plus courte. Celle de Cheikh Abdelazak Al-Badr, elle est un peu plus courte aussi. Mais j'ai choisi celle-là pour plusieurs raisons, et on va les voir plus à petit au fur et à mesure du cours, Inch'Allah, ou des cours. Et Cheikh, il dit, Nawaqid, c'est le pluriel de Naqid, qui est un participe présent, et c'est ce qui annule quelque chose. Donc on comprend maintenant le sens annulatif de l'islam. Et puis il cite un verset du Coran où ce mot Naqadat, il a été utilisé, Naqada. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés, et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne faites pas comme celle, écoutez le mot ici, hein, naqadat ghazlaha, qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait par là que vous éprouver, et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. C'est la traduction du sens de Surat Nahl, versets 91 et 92. Et pour le ta'rif qu'on avait dit de Diddan et Naqidan, si vous voulez une source, c'est Ta'rifat de Al-Jarjani, page 137. Maintenant, il dit les savants du fiqh, de la jurisprudence, Al-Fuqaha, ils ont dit Nawaqid al-Wudu. Nous, on parle d'ici de Nawaqid al-Islam. Et qu'on a fait, vous rappelez, quand on a dit le fiqh avec Cheikh Falah Ismail, il a parlé de Nawaqid al-Wudu. Hein? et nawaqid al-wudu, c'est-à-dire les annulatifs des ablutions. Donc, nawaqid al-islam, ce sont les annulatifs de l'islam. Et l'islam, donc il convient de définir c'est quoi l'islam. L'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par l'unicité et la sincérité envers lui dans l'adoration et se désavouer de l'association à Allah, du shirk et de ses gens. Et le mot islam, lorsqu'il est utilisé seul, englobe la foi, l'iman. Comme l'a dit Cheikh Mohsen Al-Abbad, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'il rapporte une règle ici, de retenir ces règles-là, il dit, il y a des mots, « Ida shtama'a ftaraqa, wa ida ftaraqa shtama'a ». Comme par exemple, « Faqir wal miskin »,« Al-bir wa taqwa »,« Al-islam wa al-iman ». Qui s'est me donné un autre? Moi, je ne connais pas celui-là, c'est possible. Non. Je ne dis pas oui ou non. Mais... Hein? Personne? On a dit quoi? Bir, taqwa, islam, iman, faqir, miskin. Ouais? T'as... Moi, je ne sais pas si tu dis ça que tu es après en route d'un chir. Moi, j'accepte, pas de problème. Hein? D'accord? Mais allez, donc, il y a des termes, quand ils sont cités ensemble, ils ont un sens différent. Donc, quand le faqir et le miskin, ils sont cités dans un même texte, l'un, il veut dire quelque chose et l'autre, il veut dire autre chose. Hein? Et les ulama, ce qu'ils disent en général, c'est qu'un qui est plus pauvre que l'autre, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen. Hein? Ben, la même chose, l'iman wa l'islam. Quand ils sont cités ensemble dans un texte, comme dans quel texte, par exemple? Hein? Hadith Jibril, par exemple, là, c'est clair. L'islam, il a été expliqué d'une manière, l'iman, il a été expliqué par autre chose. L'islam par les actions apparentes et l'iman par les actions intérieur. D'accord? Donc ici, ce qu'il est en train de dire le shir ici, le mot islam, lorsqu'il est utilisé seul, englobe l'iman, la foi. Ce sont donc nawaqid l'islam ou l'iman. Quand on parle nawaqid l'islam, en fait, c'est les annulatifs de l'islam et les annulatifs de la foi. C'est-à-dire ce qui retire complètement la foi. Et c'est ce qu'on avait dit. Vous rappelez qu'on a parlé de murtakib al-kabira? On avait dit que celui qui fait un grand péché dans la croyance des gens de la sunna al-jama'a, d'accord? Eh bien quoi? C'est pas ton iman qui part. Hein? Mais j'ai entendu le mot, c'est quoi? Voilà, ce sont des diminutifs, c'est ce qui diminue sa foi, mais contrairement au Khawarij qui croit que c'est toute sa foi qui part, même la base de la foi, elle part. Hein? Puis Cheikh, il dit, l'auteur, c'est-à-dire qui? Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, wa hasara al-musannifu rahimahullah al-nawaqid fi ashara. فقيل لكون هذه العشرة ترجع إليها جميع النواقد وقيل لثبوت الدليل الواضح البين فيها بلا خلاف والذي يشير إليه كلام المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة أنه خصها بالذكر لعظم خطرها وكثرة وقوع الناس فيها فقد قال رحمه الله في آخر هذه الرسالة نواقد الإسلام وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا انتهى كلامه رحمه الله. فالتنصيص على عشرة ليس من باب الحصر، فإن من طالع ما جاء به في باب الردة من كتب الفقه يجدهم قد ذكروا جملة كثيرة أكثر من عشرة. الشيخ عبد الرزاق quand vous retournez dans son explication, elle est disponible en PDF sur son site, je pense, et sur l'Ajouri et d'autres sites. Mais vous voyez qu'il a cité notamment des paroles des anciens par rapport au nombre de nawaqid, etc. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? C'est-à-dire, Cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a limité les annulatifs à 10. Il a été dit que c'est parce que tous les autres annulatifs reviennent à ces 10. Parce qu'il faut se poser la question. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui annulent l'islam. Donc, l'importance de les connaître pour ne pas tomber dedans, pour qu'on ne soit pas mécréant. Hein? Parce que le but en tant que croyant, c'est de préserver sa croyance. Et c'est ce qu'il va dire le Cheikh un peu plus loin, Inch'Allah. Eh bien, c'est quoi? C'est que le Cheikh Mohammed al-Wahhab, il en a cité que 10. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 10. Donc, il faut savoir la raison pour laquelle il n'a cité que 10. Eh bien, il a été dit, un des avis, il a été dit que c'est parce que tous les autres annulatifs reviennent à ces 10-là. Et il a été dit que c'est en raison de l'authenticité de la preuve claire à leur sujet sans divergence. Et ce qu'indique la parole de l'auteur lui-même, Cheikh Mohammed al-Wahhab, à la fin de cette, et je vous conseille vivement, frère, sœur, adulte, enfant, qui que ce soit, de mémoriser ce matin-là, il est très court. Il est vraiment très très court. Ça fait quoi? Une page? Hein? De poche, c'est vraiment un petit mètre. Toi, tu prends les petits mètres de poche alors. Hein? C'est vraiment quoi? C'est 10 nawaqid, hein? C'est plus qu'une page. Hein? Une page recto verso. Donc deux pages quoi. Hein? Hein? Voilà, ce n'est pas beaucoup, c'est ça qu'on essaie de dire ici. Hein? Il faut essayer de mémoriser ce genre de maths là. Alhamdoulilah, ça peut être fait, même en travaillant tout doucement, ça peut être fait en quelques semaines. Vraiment, mais vraiment très lentement, en quelques semaines, et de manière à enraciner le hifd. Hein? Hmm? Ouais, ben c'est pour ça que je dis que c'est l'occasion, comme on fait le charah. Peut-être pour les frères qui ne l'ont pas encore mémorisé, parce que je sais qu'il y en a qui le connaissent par cœur, alhamdoulilah, ben, qu'ils s'attachent à le faire. Et pour les sœurs aussi, et les enfants, et les adultes, tout le monde. Cheikh il dit, il a été dit que c'est en raison de l'authenticité de la preuve claire à leur sujet sans divergence. Et ce qu'indique la parole de l'auteur à la fin de cet épître, c'est qu'il les a cités de manière spécifique en raison de leur immense danger et en raison du fait que beaucoup de gens les commettent. Il dit d'ailleurs qu'Allah lui fasse miséricorde à la fin de cet épître, les annulatifs de l'islam, et ils sont tous parmi ce qu'il y a de plus dangereux et parmi ce que les gens commettent le plus. Fin de citation de Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh il dit, le fait d'en citer 10 n'est pas de manière restrictive, car celui qui étudie ce qui est rapporté dans le chapitre de l'apostasie, dans les livres de jurisprudence, verra qu'ils y en ont cité un grand nombre, plus grand que le nombre de 10. Il faut savoir que dans les livres de fiqh, il y a ce qu'on appelle un livre qui s'appelle Bab Ridda, c'est-à-dire qui s'attache à étudier tout ce qui touche à l'apostasie, etc. D'accord ? Eh bien, les ulama, ils ont cité beaucoup plus que 10 dans les nawaqid de l'islam. Pourquoi ? Parce que le chapitre qui s'attache à étudier, qu'est-ce qui fait sortir ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un yirtad ? Et le murtad, c'est celui qui est musulman qui quitte l'islam. D'accord ? Donc, ils en ont cité beaucoup plus que 10. D'accord ? Alors maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, on a fini le préambule. On va faire l'importance du sujet et la première règle dans le takfir. Il y en a 15. Avant de commencer le charah. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce charah là aussi. Pourquoi ? Parce que c'est important de connaître le sujet. Parce qu'on ne veut pas tomber dans le kufr, l'adou billah midalik. On veut se préserver. Hein, on veut préserver notre foi. Et puis pour d'autres raisons que le shir va citer ici. Et aussi par rapport à tout ce qui touche au tekfir. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens déchouboîtent par rapport à ces nawaqid là. Hein, quand n'allez pas voir, mais vous avez sûrement eu affaire sur internet ou ailleurs. Hein, au tekfirine, etc. Hein, ils utilisent ce genre de notions-là qui ne sont pas maîtrisées par tout le monde. Pourquoi ? Pour essayer de mettre des ambiguïtés aux gens, etc. Et certains sont plus vicieux parce qu'ils essaient même d'utiliser des paroles des gens de la sunna pour essayer de mettre des ambiguïtés aux gens. Hein? Donc, Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est maîtriser le sujet. Comme veut dire Cheikh Bazmoul, il a dit « Talib ilm, il doit maîtriser le sujet ». Donc nous, Inch'Allah, on doit savoir ça et ça va nous rapporter des règles. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui touche au tekfir, Ahl Sunna al-Jama'a, ils ont des règles qui rentrent dans leur fondement. D'accord ? Bien, on va faire d'abord l'importance d'étudier ce sujet. Ahamiyat dirasati hadha al-mawdu'. Tarji'u ahamiyat dirasati hadha al-mawdu' ila al-umuri at-taliyah. Awalan, min ajli al-muhafadati 'ala ad-din la yantaqid. Fa in hifd ad-din min ad-daruriyat allati ittafaqat ash-shara'i' as-samawiyyah 'ala hifdihha. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce qu'on appelle les daruriyat ? J'ai pas dit le chiffre, ça va vous aider. Combien il y en a ? Ça, c'est une notion fondamentale en islam. Ça. Ce qu'on appelle ad-daruriyat al-khams. Les 5 nécessités. Et on va les voir, Inch'Allah. Hein? D'ailleurs, il faudrait faire un cours juste sur ça. Et Cheikh Falah Ismail, il a parlé un peu de ça quand il parle d'aqidah, etc. Dans Cheikh Al-Fawzan, il en parle dans ses cours, etc., notamment sur son site. Tous les mashaykhs, ils en parlent. Parce que c'est vraiment très important. Ils en parlent notamment tout ce qui touche. Quand il y a des attentats et qu'ils mettent en garde, etc., ils parlent de ces daruriyat al-khams. Pourquoi ? Parce qu'une des nécessités, c'est la préservation de la vie de la personne, hein, etc. D'accord ? Alors écoutez ce qu'il dit. قال الشاطبي رحمه الله اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي retenez-les الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. Pourquoi c'est important d'étudier ce sujet ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce livre ? Non. C'est ce que j'allais dire. L'importance d'étudier ce sujet. L'importance d'étudier ce sujet revient au point suivant. Premièrement, afin de préserver la religion et qu'elle ne soit pas annulée, car la préservation de la religion fait partie des nécessités au sujet desquelles toutes les législations célestes sont unanimes quant au fait de les préserver. Puis rapporte l'apport de l'imam Shatibi, rahimahullah, un grand imam parmi les imams de la communauté, qui a écrit un très très illustre ouvrage et très connu, très, très intéressant, qui s'appelle Al-Muafaqat. Al-Muafaqat. Il a dit dans le Muafaqat, volume 1, page 38, la communauté est unanime. De plus, tous les groupes sur le fait que la législation islamique a été placée afin de préserver les cinq nécessités. C'est une traduction vraiment pour que vous compreniez le sens et tout. Daruriyat, nécessités, qui sont la religion, la personne, donc la religion din, la personne nafs, la filiation, ce qu'on appelle al-nasl, d'accord ? Les biens, le mal, et la raison, l'aql. Oui, tu peux dire ça, c'est plus dans le sens de... Tu peux dire, certains ulémas utilisent, par exemple, Cheikh Al-Fawzan, il a utilisé le mot « ird ». La raison, l'aql, la raison. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici ? La religion, la personne, la filiation, les biens, la raison. Et la science de cela est pour la communauté de l'ordre du nécessaire. Et Cheikh, il dit, il va rapporter un vers de poésie qui est très très connu. Une autre parole très connue chez les mashaykhs. Et en connaissant ces annulatifs, tu distingueras le bien du mal. Et puis il cite un vers de poésie que l'on va traduire de la manière suivante, inshallah. J'ai connu le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Et celui parmi les gens qui connaît pas le mal, il tombe. Et puis il cite une autre parole qui, comme je dis, qui est très connue chez les ulama, qui est « Et c'est avec leur contraire que se distinguent les choses. » Les ulama disent souvent dans leurs cours que si tu connais, tu dois connaître le tawhid, tu dois apprendre le tawhid, tu dois apprendre aussi quoi ? Le shirk. Pourquoi ? Pour pas tomber dans le shirk. Et pour mettre en garde sur le shirk. Et pour te désavouer du shirk et des gens du shirk. Hein ? D'accord ? Comme tu dois apprendre la sunna, et tu dois apprendre aussi sur la bid'a, pour pas tomber dans la bid'a, et pour appliquer la sunna. Hein ? Etc. D'accord ? Et il dit, c'est avec leur contraire que se distinguent les choses. Donc on a dit la première raison, c'est important d'avoir un esprit de synthèse. On a fait quoi ? On a analysé dans le sens, dans le linguistique, le mot naqid. Il veut dire quoi, en fait, le mot naqid ? Ça me permet de me reposer pendant une minute. C'est quoi le mot naqid ? Ça vient de quel madda en arabe ? Noun, qaf, adad. Et ça représente quoi ? La rupture, l'annulation de quelque chose, naam. Comme naqd, quoi ? Naqd. Naqd. Al-ahd. Ouais. Un son. Pourquoi un son ? Comment ça ? Tu as sorti ça, toi ? Parce que tu as rapporté, c'est un dalil. Il a dit, hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu disais ? Les articulations qui se rompent, elles font un son. Naqidan. T'as un dalil de la sunna sur le mot naqid, dans ce sens-là, dans son son. Hadith. C'est pas le hadith Jibril. Parce qu'il y en a, ils sont sur internet, ils vont dire, oh, je l'ai étudié, j'ai jamais lu ça dedans. Hein? Hein? C'est vrai, Jibril, il est cité dans le hadith, et c'est le hadith de qui ? C'est qui l'a rapporté le hadith ? Il y en a, il dit Al-Ibn Abbas, il y en a, il dit Aïcha. Qu'est-ce que tu dis, toi ? T'as dans le livre. Hein ? T'as dit Aïcha. Qui a raison ? Hein ? Ibn Abbas. Ah. Et quoi ? Il est rapporté dans quel livre ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Où est-ce que le mot naqid est cité ici ? Il a dit quoi ? Sami'tu naqidan. J'ai entendu un son. C'est tout, khalas, c'est tout ce qu'on a vu. Hmm ? C'est qui a demandé à qui? Et on va. C'est vrai, mais il a aussi raison, parce qu'il y en a un autre qu'on a cité. C'est qui a demandé à qui? C'est l'Aswad. Et qui? Ibn Zubayr. Yak? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui a demandé à qui? C'est Ibn Zubayr qui a demandé à l'Aswad. Pourquoi? Parce qu'Aïcha se confiait beaucoup à qui? À l'Aswad. Il n'y a pas assez de son. Hein, donc on a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah alayhi wa sallam sur la Kaaba? Loula hadatha hadathatu. Qawmi ki, ewa? Il a dit la naqattu le Kaaba. J'aurais démoli la Kaaba. Ewa? Et après, qu'est-ce qu'on a dit sur l'importance du... On a cité un verset du Coran aussi. Sur le mot naqada. Vous savez juste au moins dire le verset. Le verset dit وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا صَرَتْ نَهْل. Verset 91-92. Et le fuqaha, ils utilisent ce mot-là, nawaqid, dans quel cadre? Nawaqid al-wudu. Ça veut dire quoi? Mubtilat al-wudu, ce qui annule les ablutions. Et donc ici, on parle de quoi? Nawaqid al-islam. Est-ce que c'est le nawaqid al-iman aussi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Iman et l'Islam. Combien il en a cité, Cheikh Mohamed Al-Wahhab? Pourquoi il n'y en a que 10? Il y en a un? Moi, je n'ai pas 10. Mais pourquoi il en a cité que 10? Lui-même, il a donné une raison. C'est le plus dangereux. Et celle dans laquelle les gens tombent le plus. À notre avis, qui a été dit, qui a été cité par le Chir. Naam. Naam. Les preuves sont claires. Et puis quoi d'autre aussi? Que les autres reviennent à ces 10-là. Puis on a commencé à parler en tout cas de l'importance d'étudier ce sujet-là. Pourquoi c'est important? On a cité un point. C'est dans le Sita il y a quelques années. Hein? C'est-à-dire quoi? De peur qu'on tombe dans ces nawaqid. Donc de préserver. À la base, pourquoi? La première raison, l'esprit de synthèse doit être comme ça. La première raison, c'est le muhafada ala din. Préserver ta religion pour que ta religion ne s'annule pas. C'est ça qu'il faut avoir, première raison. Et puis la cité d'Arouriyat al-Khams. Pourquoi la cité d'Arouriyat al-Khams? Parce que le fait de préserver la religion, c'est une des d'Arouriyat al-Khams. D'accord? Oui ou non? Hein? Donnez-moi des signes de vie de temps en temps, d'accord? Puis la cité, un vers de poésie qui dit que c'est important de connaître le mal en même temps que le bien, pour ne pas y tomber. Qu'il connaît. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْ مِنَ النَّاسِ يَقَعُ فِيهِ. C'est peut-être une autre riwayata. Hein? Et aussi, une parole que les ulamas citent très souvent. Même en français, il faut la citer. C'est par les contraires que les choses se distinguent. Maintenant, il va citer une deuxième raison. ثانياً إذا علمت ما يقع به الكفر وما لا يقع به جنبت نفسك من الوقوع في تكفير المسلم واستباحة دمه. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est un hadith qu'on a déjà vu. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Deuxième raison pour laquelle c'est très très important d'étudier ce genre de sujet là, le sujet de Nawaqid al-Islam, Si tu sais que ce qui cause la mécréance et ce qui ne cause pas la mécréance, tu t'éviteras à toi-même de tomber dans le fait de juger un musulman mécréant et de juger son sang comme étant licite. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'il a dit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter le musulman est une perversité et le tuer est une mécréance. Khalas, il est kafir, c'est ça qu'on... Hein? Non. Ceux qui ont fait usul sunna, ils doivent être capables de répondre par rapport à cette chose-là. C'est quoi ta preuve, mon frère? وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سورة الحجرات voilà, c'est أحسن. C'est qu'on fait un jam entre l'adillah et que les ulama ont expliqué ce que ça veut dire le kufr ici. Et qu'on avait dit qu'il y a deux genres de kufr, il y a un kufr akbar et un kufr asghar. Écoutez ce que le shir va dire ici. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter le musulman est une perversité et le tuer est une mécréance. Et on a déjà dit que c'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam, sauf si, comme l'avait dit shir Ali al-Haddadi, c'est quoi c'est? C'est que tu crois que c'est licite de faire cela. Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari dans son authentique livre de la foi. Écoutez le titre du chapitre. Chapitre de la peur du croyant que ses actions soient annulées. Numéro 48. Et Muslim dans son authentique aussi. Livre de la foi. Chapitre de l'explication de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Insulter le musulman est une perversité et le tuer une mécréance. Numéro 64. Puis il cite un autre hadith. وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. Ce hadith là, on va très légèrement l'expliquer en le traduisant, mais يعني l'explication, il y a beaucoup de points tirés de ce hadith et expliqué en détail, mais on peut pas le faire dans le cadre de ce genre de cours. Un autre hadith, il dit d'après Thabit ibn al-Dahhak, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par une religion autre que l'islam, de manière mensongère, rien que pour le mot mensonger ici, sur l'Éthiopie, il a fait un grand tafsil par rapport à ça. Alors il est comme il a dit. Et celui qui se suicide au moyen de quelque chose, il sera châtié avec cette chose dans le feu de la géhenne. Et maudire le croyant est comme le tuer. Comme le dit sur l'Éthiopie, en termes de péché. Et celui qui accuse un croyant de mécréance, c'est comme le tuer. Et pour les frères et les sœurs qui veulent avoir une explication plus complète de ce hadith, voir l'explication de l'authentique de Muslim, Al-Bahru al-Sajjaj fi Sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, de Sheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie, volume 3, page 310. Entre parenthèses, il n'est pas complet, il n'y a que 17 volumes qui ont été faits par le Sheikh. Il devrait arriver à 50 peut-être. Il a juste fait Kitab l'Iman et Kitab Salah. Il y a son introduction à Sahih Muslim. L'imam Muslim, il l'a fait en deux tomes à part. Et ils sont disponibles pas loin d'ici, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre des bienséances, Kitab l'Adab, chapitre de celui qui juge son frère mécréant sans interprétation, sans ta'wil. Et il est alors comme il a dit. Numéro 6105. Et Muslim, dans son authentique livre de la foi, chapitre de la gravité de se suicider. La formulation ici est celle d'Al-Bukhari et le témoin argumentatif, ce qu'on appelle shahid, de ce hadith est chez Al-Bukhari, pas chez Muslim. Donc c'est quoi la deuxième raison, après le fait de préserver sa religion? C'est le fait que si tu sais... Mais ouais. Si tu sais ce qui cause la mécréance et ce qui ne cause pas la mécréance, tu t'éviteras à toi-même de quoi? De tomber dans le fait de juger un musulman mécréant. Troisième raison. ثالثا أن العلم بذلك باب من أبواب الدين. فكما تحتاج أن تتعلم أحكام الصلاة لإقامة الدين، تحتاج إلى أن تتعلم أحكام الكفر لكي تضبط باب الإيمان وتحقق أحكام الردة. وهذه الأهمية تتعلق بطلاب العلم الشرعي، فالعلم بنواقض الإسلام علم بباب من أبواب الشرع وباب من أبواب الدين، لابد لطالب العلم أن يضبطه كغيره من أبواب العلم ومن أبواب الدين. Troisième raison pour laquelle c'est important d'étudier ce genre de cours-là, de faire ce genre de cours, cette science est l'un des sujets parmi les sujets de la religion. Comme tu as besoin d'apprendre les jugements relatifs à la prière afin de pratiquer la religion, tu as aussi besoin d'apprendre les jugements relatifs à la mécréance afin que tu maîtrises le sujet de la foi et que tu sois précis quant au jugement relatif à l'apostasie. Car la connaissance des annulatifs de l'islam est la connaissance de l'un des sujets de la législation et de l'un des sujets de la religion qu'il est nécessaire aux demandeurs de science de maîtriser, comme n'importe quel autre sujet parmi les sujets de la science et les sujets de la religion. Donc quoi, il faut, hein, c'est un des sujets de la religion, il faut le maîtriser, surtout pour le talib al-ilm. Quatrièmement, rabi'an, khuturat hada al-bab. وذلك عندما يقرأ المسلم في هذا الباب وينظر إلى مسائله يرى كيف أن الإنسان من الممكن بكلمة واحدة يخرج من الإسلام ومن الممكن بفعل واحد يفعله أن يخرج من الإسلام ومن الممكن بفكرة يعتقدها أن يخرج من الإسلام فخطرة هذا الباب تدل على أهميته. Puis c'est un hadith, écoutez le hadith qui est très fort. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Quatrièmement, c'est le danger de ce sujet. Et cela réside en ce que le musulman, lorsqu'il lit ce sujet et regarde ses points, il voit comment il est possible pour une personne de sortir de l'islam en raison d'une seule parole. Il va s'y retirer en fait les trois ici. Hein? La parole, l'action et la croyance. Écoutez ce qu'il va dire le cheikh ici. Il dit, il est possible pour une personne de sortir de l'islam en raison d'une seule parole. Et il est possible qu'il sorte de l'islam en raison d'un seul acte qu'il a fait. Et il est possible qu'il sorte de l'islam en raison d'une seule idée à laquelle il croit, une seule croyance. Le danger de ce sujet indique donc son importance. D'après Abu Huraira, écoutez ce hadith fort, comme je l'ai déjà dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur prononce certes une parole dont Allah est satisfait sans lui prêter attention, alors qu'Allah l'élève en degré en raison de cette parole. Et le serviteur prononce certes une parole au sujet de laquelle Allah est en colère sans lui prêter attention, alors qu'il tombera en enfer à cause de cette parole. » Et c'est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique chapitre de la préservation de la langue. Hein? Ce chapitre, il y a différentes riwayats, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs copies. Une des copies, le chapitre, c'est Hifd al-Lisan. Parce que des fois, vous allez regarder dans sa Hamoussi, vous n'allez pas trouver Hifd al-Lisan dans l'explication de Nawawi. Chapitre de la préservation de la langue, numéro 6478, et Muslim dans son authentique. Écoutez, les titres, ils sont vraiment très clairs. Chapitre de l'homme dit une parole en raison de laquelle il tombe en enfer. Numéro 2988. Puis il rapporte encore une raison, un dalil sur le fait que c'est important d'apprendre le sujet de nawaqid l'islam. Il dit وَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزِلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ سورة التوبة. قال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. On va déjà traduire cela, Inch'Allah. Et ce qui a été rapporté comme cause de la révélation de la parole d'Allah dans la traduction du sens est. Donc il y a un verset qui a été révélé, il y a une cause pour laquelle il a été révélé. Ce qu'on appelle sabab al-nuzul. Le Hamad dans le hadith, il dit sabab al-wurud. Le verset dit sabab al-nuzul. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierions une autre pour avoir été des criminels. Et c'est surat Tawbah, versets 65 et 66. 65 et 66. Ibn Wahab, il a dit, Hisham ibn Sa'd m'a informé, d'après Zayd ibn Aslam, donc ça c'est une riwaya, une chaîne de transmission, un sanad, d'après Abdullah ibn Omar, qu'il a dit, Abdullah ibn Omar, compagnon, fils de compagnon, un homme a dit dans une assise lors de l'expédition de Tabouk, je n'ai vu personne à l'image de ces lecteurs-là. Il parle de qui, comme dit Cheikh Al-Fawzan? De Sahaba. Dans son explication de l'Awakh al-Islam, Cheikh Al-Fawzan, il dit, page 128, qu'il visait par cela les compagnons. Ni plus avide, ni plus menteur, ni plus poltron lors de la rencontre avec l'ennemi. Un homme dans la mosquée dit alors, tu as menti, mais tu es certes un hypocrite. Je vais certes en informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que vous êtes curieux de savoir le nom de cet homme-là. Mais Cheikh Al-Fawzan, dans l'explication de Nawaq al-Islam, page 128, il dit que c'est un jeune homme parmi l'Ansar qui s'appelle Auf ibn Malik. Auf ibn Malik. Je vais certes en informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fut transmis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets furent révélés à ce sujet. Ibn Omar dit, je le vis s'accrocher, cet homme-là, je le vis s'accrocher. Pas celui qui a informé hein, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a, quoi hein, qui avait dit ces paroles sur les sahaba. Je le vis s'accrocher au sangle de la chamelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la pierre le meurtrissant, disant, oh messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et jouer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui disait, ne vous excusez pas. Il citait juste le verset. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Hein? Voir l'exégèse d'Ibn Kathir, volume 4, page 171 d'Ar-Tiba. Puis Cheikh, il continue, dit, فَأَثْبَتَتْ لَهُمُ الْآيَةِ إِيمَانًا بِحَسَبِ مَا يُظْهِرُونَ تَدُرُ عَلِيهَ أَحْكَامُ الدُّنْيَا فَهَؤُلَاء كَفَرُوا بِهَدَ الْقَوْلِ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنُوا عِنْدَ أَنفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. Voir مجموع الفتاوى بن تيمية volume 7 page 272. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Le verset leur a donc affirmé une foi en fonction de ce qu'ils montraient de manière extérieure. Et les jugements de ce bas monde se basent sur cela. Cela donc ont mécru en raison de cette parole après avoir cru. Cheikh Al-Fawzan dit que le verset est clair que le fait qu'ils ont cru, ils ont mécru à cause de cette parole-là. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bien bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Le verset leur a donc affirmé une foi, comme je l'ai déjà dit, puis le Cheikh El dit, cela donc ont mécru en raison de cette parole après avoir cru, et ceci indique que pour eux, ils n'avaient pas commis de mécréance, mais de plus, ils pensaient que cela n'était pas de la mécréance. Il leur a donc mis en évidence que se moquer d'Allah, et de ses versets, et de son messager, est une mécréance, est une mécréance par laquelle celui qui la commet mécroit après avoir cru. Ceci indique donc qu'ils avaient une foi faible et ont donc commis cet acte illicite dont ils savaient que c'est illicite, mais n'ont pas pensé que c'était une mécréance. Mais c'est une mécréance en raison de laquelle ils ont mécru et n'ont pas cru que c'était licite. Cinquièmement, dernière raison pour laquelle qu'il cherche à citer, pour laquelle c'est important d'étudier ce sujet-là, خَامِسًا مِمَّا يُبَيِّنُ أَهَمِيَةَ هَذَا الْبَابِ وَضَبْتِهِ أَنَّ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْوَقِعَةِ فِيهِ من محل الخلاف عند أهل العلم فيحتاج طالب العلم أن يحرر موضع الخلاف ولا يستهين بوجود الخلاف في هذه المسألة التي هي ناقض للإسلام. Cheikh il dit cinquièmement, cinquième raison, parmi les choses qui mettent en évidence l'importance de ce sujet et de sa maîtrise, c'est que certains points, ils sont des points de divergence chez les gens de science. Et le demandeur de science doit donc d'établir de manière précise le point de divergence et de ne pas dédaigner en raison de l'existence d'une divergence sur ce point qui est un inhalatif de l'islam. Et avant d'expliquer ce que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh il dit, وَقَبْلَ أَنَا شَرَحَ مَا أَوْرَدَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ النَّوَاقِدِ وَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ الشَّرْحِ ضَوَابِتَ التَّكْفِيرِ التَّالِيَ. Cheikh il dit, et avant d'expliquer ce que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté comme annulatif, je présente, en guise d'introduction à l'explication, les règles de tekfir suivantes. Et on va en faire qu'une aujourd'hui. Il y en a 15, j'ai déjà dit. Inch'Allah, on va les faire en plusieurs cours. Et après, on s'attachera à étudier les nawaqid un par un. Il faut savoir que le fait de se moquer d'Allah, ou de ses versets, ou de son messager, c'est un des nawaqid que Cheikh Mohamed Al-Wahhab il a cité. Je connais plus le chiffre, c'est peut-être le 7e, si je me souviens bien. 6e ? 6e ? Hein ? 6e. Et que, on va le traiter en détail, Inch'Allah. D'accord ? Ça, il a cité juste pour montrer quoi ? L'importance. Et le danger que si tu ne connais pas, ben tu peux tomber par une parole dans le coffre. Il faut apprendre aussi dans notre entourage de parler de cela et de mettre en garde les gens parce que des fois, certaines personnes peuvent se moquer de certains points de la religion et leur montrer la gravité de cela. Et leur citer ce verset-là, leur montrer le sabab du verset, leur montrer ce que les ulama disent afin qu'ils aient peur et qu'ils évitent ce genre de choses-là parce que ça peut les faire tomber dans la mécréance. La première règle, الضابط الأول, التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة. فلا يكفر بمعصية ولا بذنب ولا بمجرد بغض أو كراهية أو لشهوة أو لشبهة لابد من دليل شرعي وحجة وبرهان لأن من كفر مسلما فقد كفر ولأن تكفير المسلم بدون مكفر حرام والدليل عليه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الحديث أخرجه البخاري. On va déjà traduire ça. Première règle, parmi les 15 règles du tekfir qu'on va citer, incha'Allah, le tekfir est un droit d'Allah, le trio, et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, quand vous lisez les livres de Shaykh Al-Uthaymeen, vous allez voir qu'il cite les mêmes règles. Ou par exemple, le livre de Shaykh Raslan, Arisala, qui s'appelle Dawabi Tekfir Mu'ayyan, les règles du tekfir sur une personne spécifique, il va citer les mêmes règles. Vous retournez par exemple aussi à des livres comme Al-Qawa'id al-Musla de Cheikh Al-Uthaymeen, avec le Sharh de Cheikh Obeid, vous allez trouver les mêmes genres de règles. Allah le Très-Haut dit, le takfir est un droit d'Allah le Très-Haut et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de devancer Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut dit, ce dont la traduction du sens est, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Surat al-Hujurat, verset 1, le premier verset. On ne peut donc déclarer le tekfir, c'est-à-dire juger quelqu'un kafir, sur un point ou sur une personne spécifique qu'avec une preuve du Coran et de la Sunna. On ne juge donc pas mécréant en fonction d'une désobéissance ni d'un péché. Il parle de ce qui n'est pas du grand coffre, évidemment. Mais juste à cause d'une haine ou d'une détestation ou en fonction d'une passion ou d'une ambiguïté. Il faut obligatoirement une preuve légiférée et un argument et une évidence, car celui qui juge un musulman comme étant mécréant a mécru. Et car juger un musulman comme étant mécréant sans quelque chose qui le rendre mécréant, ce qu'on appelle un mot kafir, retenez ces mots-là. Vous avez le kafir, c'est celui qui est kafir, le mécréant, vous avez le kufr qui est la mécréance, et vous avez le mot kafir, ce qui rend quelqu'un mécréant, un mot kafir. Pluriel, les ulémas, attendez, des fois ils disent le mot kafirat, sans quelque chose qui le rende mécréant, mukaffirun est illicite. Et la preuve de cela est ce qui a été rapporté d'Abu Huraira, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si l'homme dit à son frère, ô mécréant, la parole revient sur l'un des deux. » Vous voyez le danger de se précipiter dans ce genre de jugement. Et on avait déjà dit dans beaucoup de nos cours, et on va le redire, Inch'Allah, et le Cheikh Bazmoun il va bien l'expliquer dans ce livre aussi, Inch'Allah, que de toute façon, ça revient aux ulama, aux gens de science, ça revient pas à nous, ce genre de jugement aussi grave. Et le hadith est rapporté dans le Bukhari, dans son authentique livre de la préséance, chapitre de celui qui juge son frère mécréant sans interprétation, sans ta'wil. Il est alors comme il l'a dit. Numéro 6103. Puis il cite un autre hadith, et on arrive petit à petit à la fin du cours. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والحديث أخرج البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه. Et d'après Abdullah ibn Dinar, qu'il a entendu Ibn Omar dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui dit à son frère, ô mécréant, la parole revient sur l'un des deux. C'est comme il a dit, sinon la parole revient sur lui. Rapporté par le Bukhari dans son authentique livre de la préséance, chapitre de celui qui juge son frère mécréant sans interprétation, il est alors comme il a dit, numéro 6104. Et Muslim dans son authentique livre de la foi, chapitre de la mise en évidence de la situation de celui qui dit à son frère musulman, ô mécréant. Vous avez vu le titre du chapitre ? Chapitre de la mise en évidence de la situation de celui qui dit à son frère musulman, ô mécréant. Numéro 91 et 92. Dernier hadith qu'on va citer aujourd'hui, inshallah, an Thabit ibn al-Dhahhak an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qu'on a déjà cité dans le cours aujourd'hui. Man halafa bi millatin ghayri al-islam kadiba fa huwa kama qal wa man qatala nafsahu bi shay'in 'udhiba bihi fi nari jahannam wa la'nu al-mu'min ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ba'd al-mubtadi'ati yakunu fihi min al-iman ma laysa fi ba'd. فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذا بخي ثابت بن الضحاك البروفيت صلى الله عليه وسلم قال celui qui jure par une religion autre que l'islam de manière mensongère, alors il est comme il a dit. Et celui qui se suicide au moyen de quelque chose, il sera châtié avec cette chose dans le feu de la géhenne. Et maudire le croyant est comme le tuer. Et celui qui accuse un croyant de mécréance, c'est comme le tuer. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà donné une référence. Le Charh d'Ishir al-Éthiopie, volume 3, page 310 pour l'explication complète. Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari dans son authentique livre des bienséances, Kitab al-Adab. Chapitre de celui qui juge son frère mécréant sans interprétation, c'est le hadith qu'on vient citer avant, le chapitre qu'on vient citer avant, mais numéro 6105. Sans interprétation, il est alors comme il a dit. Et Muslim, dans son authentique livre de la foi, chapitre de la gravité de se suicider. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, il y a en foi chez certains innovateurs ce qu'il n'y a pas chez d'autres. Il n'appartient donc à personne de juger mécréant quelqu'un parmi les musulmans, et ce même s'il s'est trompé et a commis une erreur, tant que les preuves ne lui sont pas dressées et que la voie lui soit parue claire, et que la voie lui soit apparue, ou que la preuve lui soit apparue claire. Et celui dont la foi est affirmée avec certitude, elle n'est pas retirée de lui avec un doute. Mais de plus, elle n'est retirée qu'après avoir dressé les preuves et avoir dissipé l'ambiguïté. Majmou' al-Fatawa, volume 12, page 502. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.